agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Vous comprenez, moi, je suis une enfant de la guerre. J'ai vécu la réforme de la monnaie. À l'époque, quand j'ai reçu mes premiers Deutschmark, une nouvelle vie commençait. J'avais l'impression que je pouvais m'acheter le monde. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce matin, nous allons parler des Allemands et de la monnaie dont ils se servent. Ne l'ont-ils pas sacralisé au temps du Deutschmark, comme maintenant au temps de l'euro? Il n'est guère de jour où un éditorial ou un commentaire n'évoque son importance essentielle chez nos partenaires dans le tréfonds des sensibilités. La vertu monétaire est généralement posée comme une passion germanique qui ne souffrirait pas qu'on y fasse la moindre entorse. La protection de la devise nationale est ainsi installée outre-Rhin au cœur des réflexes collectifs et vouée à peser constamment sur les relations extérieures. On l'a constaté par exemple à satiété tout récemment lors des péripéties de la crise grecque en observant les multiples crispations qu'a éprouvées la chancelière Angela Merkel, qu'en tout cas elle a dû manifester pour refléter l'état d'esprit de ses compatriotes. J'admets volontiers, oui volontiers, qu'au premier regard, ce sujet puisse apparaître comme plus austère que ceux qui nous occupe d'ordinaire. Mais j'ai l'espoir de vous démontrer, de concert avec Johann Chapoutot, professeur d'histoire allemande à l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, de vous démontrer que ce n'est là qu'une apparence et que ce thème concerne des réalités très culturelles et très politiques, du plus grave au plus pittoresque. On peut trouver ainsi dans l'inflation démesurée presque à l'infini qui est survenu en Allemagne dans les années d'après la Grande Guerre et qui a ruiné des millions de familles, un cataclysme qui a dépassé de beaucoup la seule chronique monétaire. Cet événement, sans équivalent, explique en effet en profondeur, par contraste, les réflexes de si grande portée civique qui, un quart de siècle plus tard, ont fait du Deutschmark, apparu en 1948, l'objet d'une révérence généralisée dans la République fédérale. Il explique que quand le Mark, après la chute du mur, a laissé place à l'euro, non sans hésitation, turbulence et répugnance, ait été conféré à la monnaie nouvelle dans le pays un statut tout particulier par rapport aux autres nations qui l'ont adopté. La monnaie est conçue en Allemagne comme bien plus qu'un instrument économique et commercial, comme une sorte de totem, de fétiche sacré, sur lequel est chargé de veiller hors de la portée du gouvernement et du Parlement une institution échappant à tous les risques de faiblesse envers n'importe quelle influence extérieure, ouverte ou dissimulée, qui viserait d'autres buts que la lutte contre l'inflation. Et pour commencer, voici une chanson qui s'intitule « Wer soll das bezahlen ?» Qui va payer ça ? Une chanson de Jupp Schmitz, texte de Kurt Fels, qui remonte à 1949, c'est-à-dire à peu de choses près, à la naissance du Deutschmark. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Sonntags, da sitzt in der Wirtschaft am Eck immer ein Vollstoffverein. Bis gegen 12 checkt der Wirt tüchtig ein, dann wird das Taschengeld spärlich. Vorigen Sonntag nun brachte der Wirt Runde um Runde herein, bis gegen 2 Uhr der ganze Verein fragte: Herr Wirt, sag uns ehrlich, wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld? Johann Chapoutot, bonjour. Bonjour. Cette chanson, nous dit-on, a été un grand succès, un tube, je ne sais pas comment on dit ça en allemand. Schlager. La traduction du refrain, je vous la donne. Qui va payer tout ça? Qui l'a commandé? Qui a tant de pognon? Qui a tant d'argent? Et la suite? Oh, il est question dans les 2 strophes de soirée au bistrot avec les copains, de tournée générale, et puis d'autres moments plus tard dans la soirée, de dessous affriolant avec l'épouse et la compagne une fois qu'on l'a retrouvée. Donc il est question de loisirs, donc une chanson très clairement escapiste hein, par rapport au quotidien de l'Allemagne en 1948-49 qui est encore marqué par la ruine du pays. Et par ailleurs, il est question du prix de ces réjouissances. Et là, on touche un phénomène qui est que l'inflation qui avait été artificiellement contenue avant 1945 par les manipulations comptables du Troisième Reich a explosé après la chute du Troisième Reich. Et donc, il est question de vie chère dans cette chanson. C'est donc un tournant essentiel, 1948-1949. On a tendance à oublier maintenant que l'Allemagne paraît tellement bon élève, tellement préoccupé, pour ne pas dire obsédé par la valeur de sa monnaie, que pendant très longtemps, par rapport à la France, elle était au contraire assez dévergondée. C'est quelque chose qu'il faut effectivement rappeler et qui est très peu connu. L'Allemagne a changé 5 fois de monnaie entre 1871 et 1945. 5 mutations monétaires, une crise d'hyperinflation et une expérience traumatique avec la monnaie et sa perte de valeur. Le franc germinal, au moins jusqu'à la dévaluation Poincaré de 1926, est apparu comme exemplaire et extrêmement pérenne. Absolument. 120 ans de stabilité pour le franc, hein, qui n'a pas changé de valeur, du moins officiellement, jusqu'à la dévaluation Poincaré. C'est le franc, d'ailleurs, qui est la monnaie de référence au XIXe siècle. Si on se souvient de l'Union latine en 1865, c'est-à-dire la première tentative de monnaie commune en Europe, les pièces des pays qui adhèrent à l'Union latine, donc la Belgique, la Suisse, l'Italie, puis l'Allemagne va un peu se raccrocher également à cette entreprise un peu plus tard, les pièces de ces pays sont frappées sur le modèle des pièces françaises, notamment les pièces de 1 franc, les pièces de 5 francs, les pièces de 20 francs, de 40 francs. C'est la France qui sert de référence monétaire pendant très longtemps. Donc l'idée d'une stabilité, d'une vertu germanique est très récente, elle date des années 50. Mais cela s'entrelace très directement avec l'histoire même de la diversité allemande par opposition à l'État-nation français, puisque pendant très longtemps, l'Allemagne était en quête de l'unité sans y parvenir. La diversité des principautés, des micro-États parfois, explique aussi ce désordre monétaire. On peut remonter au Moyen-Âge. À l'origine, on peut rappeler que le mark est une unité de poids qui est anglaise ou scandinave et qui est destinée à la mesure de l'or et de l'argent. Oui. Alors on pourrait d'ailleurs dire la marque, hein, par opposition au mark, au masculin. Féminisons volontiers. Voilà, la marque, puisque c'est au féminin en allemand. C'est une unité de mesure de poids de 234 grammes environ. C'est également le nom de certaines monnaies dans l'espace germanique, scandinave, britannique, certaines monnaies mais assez rares. Ce qui domine l'espace germanique à partir de l'ordonnance impériale de 1566, qui essaie d'unifier le système monétaire dans le Saint-Empire romain germanique, c'est le Thaler. Le Thaler, nom qui a donné dollar d'ailleurs hein, dans l'histoire monétaire. Mais le Thaler n'arrive pas à s'imposer. La diversité des monnaies demeure, notamment avec un espace germanique du Nord qui est plus ou moins unifié autour du Thaler, avec une référence argent, alors que l'espace du sud, autour de l'Autriche, est unifié autour du Gulden. Gulden, ça vient de Gold, hein, qui veut dire l'or, et qui est une monnaie, elle, plutôt gagée sur l'or. Dès ce moment-là, s'engage cette sorte d'étrange dialogue entre l'or et l'argent, qu'on retrouvera jusqu'aux États-Unis du XIXe siècle, où cela a été un sujet de débat politique majeur. Il y a un candidat à l'élection présidentielle qui disait « on ne me crucifiera pas sur une croix d'or », parce qu'il défendait l'argent. Oui, alors ça aussi c'est une vieille tradition germanique que de défendre l'argent, tout simplement parce qu'il y a des mines d'argent très abondantes dans l'espace allemand, notamment en Allemagne du Nord, et pas de mines d'or. Hein. Donc véritablement c'est une unité monétaire argent. Mais c'est cette diversité qui l'emporte, qui est un véritable problème, parce que pour l'unité des échanges et l'unification des échanges, on essaie de trouver des unités de poids communes, et on essaie également de trouver des références monétaires communes, ce qui n'arrive pas avant très tard, au 19e siècle. D'autant plus qu'on triche, on ne cesse pas de tricher quant à au poids véritable de l'or et de l'argent à l'intérieur des pièces. Le thaler, par exemple, qui a tenté d'être imposé par le Saint-Empire romain germanique et par l'empereur à partir de l'ordonnance de 1566, le thaler a été trafiqué, il a été dévalué, et cela a posé beaucoup de problèmes. C'est après 1833, à partir du moment où on crée une union douanière en Allemagne, le fameux Zollverein, que l'on essaie de créer des références monétaires communes, mais c'est une série d'échecs jusqu'en 1871. D'ailleurs, 1833, dites-vous, en 1832 paraît posthume le second Faust de Goethe. Il y a un extrait de cette œuvre majeure qu'aimait à citer d'ailleurs l'actuel président de la Bundesbank que j'évoquais tout à l'heure, Jens Weidmann. On voit Méphisto qui est déguisé en bouffon et qui s'adresse en ces termes à l'empereur, l'empereur qui se débat dans des problèmes financiers aigus, où la pénurie ne règne-t-elle pas, dit-il, dans ce monde. Celui-ci reçoit cela, ce dernier reçoit ceci, mais c'est l'argent qui nous fait défaut. Et l'empereur répond finalement aux tentatives habiles de Méphisto, qui vise à le convaincre. Nous manquons d'argent, soit qu'attends-tu donc pour nous le procurer? Et Méphisto propose à l'empereur, Méphisto c'est le diable, propose à l'empereur d'imprimer des billets où on écrira « ce papier vaut 1000 couronnes ». Naturellement, l'histoire se finit mal, car cette richesse ne repose sur rien, et déjà il y a l'ombre d'une inflation sans limite. Oui, alors c'est une grande obsession du Moyen-Âge et de l'époque moderne que la manipulation monétaire. La manipulation monétaire est punie de mort par les autorités, mais les autorités s'y livrent également pour créer artificiellement de la monnaie. C'est diabolique, il y a toujours cette idée de morale qui se mêle à l'histoire monétaire. C'est diabolique parce que la monnaie repose sur la fides, sur la confiance, et cela depuis l'époque romaine. Fides est un des saints patrons ou des saintes patronnes de la monnaie. Et l'idée de trahir cette confiance par la manipulation monétaire, par la dissolution du titre de l'or ou du titre de l'argent dans la monnaie, par son contenu, tout cela apparaît comme un péché. Schuld veut dire à la fois dette et péché en allemand, et faute. Faute, culpabilité, péché, dette. Et il faut voir que Méphisto, comme le docteur Faust dans l'œuvre de Goethe et dans la légende populaire, sont des alchimistes. L'alchimiste, c'est celui qui crée de l'or, qui crée de la valeur sans proportion avec la réalité. La manipulation monétaire est une grande obsession politique. Les empereurs s'y sont livrés dans l'espace du Saint-Empire romain germanique avec beaucoup d'agilité et d'opiniâtreté. Même Charles Quint ? Même Charles Quint qui, on le sait, a, surtout lui d'ailleurs, qui, on le sait, a dû s'endetter considérablement pour acheter son élection. Donc on ne triomphe de cette diversité monétaire outre-Rhin qu'à mesure que se crée l'unité allemande. C'est-à-dire très tard, en 1871, et c'est entre décembre 1871 et l'été 1873 que le mark est créé avec ce nom nouveau, donc tiré du nom de cette unité de mesure. C'est à ce moment-là que naît le mark. C'est à ce moment-là que naît le mark, et on voit que l'Empire, l'unification politique, c'est également une unification des poids et mesures. Unification du temps avec l'heure de Berlin qui est imposée sur la totalité du territoire de l'Empire créé en 1871 et l'unité monétaire. Et ces créations-là ou ces unifications-là, le temps, la mesure, la monnaie, sont des facteurs considérables dans ce qu'on a appelé le premier miracle économique qui suit 1871, l'époque qu'on appelle la Gründerzeit, l'époque des créateurs de l'Empire, qui a vu un boom économique et une industrialisation très rapide de l'Allemagne dans les années 1870. Il faut dire que on lit que 32% de l'or qui a été frappé vient à l'époque de la France, puisqu'il provient de l'indemnité de la guerre perdue que Bismarck a imposée à notre pays. En un coup, d'ailleurs, ce qu'on aurait bien dû faire après 1919, qui aurait évité l'infini débat sur les réparations. Oui. Bismarck dit, vous paierez ceci, puis on n'en parlera plus. Mais c'est une grosse somme. Ce sont les 5 milliards de francs or du traité de Francfort en 1873, du traité de paix. Il faut voir que le mark est une monnaie gagée sur l'or, gagée sur l'étalon or, ce qui est une innovation dans l'espace germanique, puisque nous le disions tout à l'heure, c'était plutôt l'argent qui dominait traditionnellement. Et là, pour la première fois, on frappe de manière massive des pièces de 20 marks, de 40 marks et de 100 marks en or. Donc on s'installe dans une certaine stabilité, comme c'est le cas de notre côté du Rhin. Mais survient la Grande Guerre et là, tout est bouleversé. La Grande Guerre a été un moment de grande gabegie et voire de grande orgie budgétaire et monétaire. Pas qu'en Allemagne, hein. Tous les pays belligérants ont eu recours à l'emprunt. L'emprunt auprès des populations, l'emprunt auprès des banques. Et en l'occurrence, en Allemagne, on a fait jouer ce qu'on appelle le Papiergeld, c'est-à-dire le papier monnaie, monnaie fiduciaire s'il en est. Là, on revient à Mephisto. Et le Papiergeld, c'est véritablement... l'hubris du seigneuriage, si vous voulez. Le seigneuriage en monnaie, en histoire monétaire, c'est le pouvoir régalien qu'a l'autorité politique de frapper monnaie, de battre monnaie autant qu'elle le veut. Et les techniques modernes d'impression, et notamment de billets, permettent cela à l'infini. Et l'on voit que la masse monétaire en Allemagne est multipliée par 30 ou 40 entre 1914 et 1919. Alors il faut que nous en venions à cette période en vérité sidérante, qui est celle de l'hyperinflation, une aventure de la monnaie qui est sans équivalent nulle part ailleurs dans l'histoire des monnaies des différents peuples. Et on voit bien comment se mêlent intimement l'histoire des sensibilités, l'histoire culturelle et l'histoire financière et l'histoire monétaire. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut revenir sur un préjugé qui serait que l'hyperinflation est due à la République de Weimar. En fait, c'est faux. L'hyperinflation est due avant tout à l'Empire et aux dettes qui ont été laissées par l'Empire. Oui, parce qu'on dit parfois qu'elle l'a créée exprès pour ne pas payer les réparations. Oui, alors ça, c'est faux, parce que ça aurait été une politique du pire très dangereuse. En fait, c'est d'abord l'héritage de la gabegie financière et monétaire de l'Empire pour financer la guerre. Puis ensuite, cette gabegie se poursuit. La planche à billets fonctionne à plein régime après 1918 pour payer la paix ou la sortie de guerre. Évidemment, cette inflation est encore aggravée par les réparations qui sont imposées à l'Allemagne, par la politique de la France et de la Belgique, l'occupation de la Ruhr, par la résistance passive qui est ordonnée par le gouvernement allemand à cette époque. Mais cette résistance passive a un coût. C'est-à-dire que les mines qui sont propriétés de l'État ne produisent plus rien, certes, mais l'État continue à payer les ouvriers et à payer les salaires. Et cela provoque une dégradation de la valeur monétaire qui est incommensurable. Les chiffres ne veulent plus rien dire, puisqu'on a une dégradation de l'ordre de 10 puissance 12. Donc on compte désormais en millions de millions, en milliers de milliards, entre la valeur du mark en 1924 par rapport à celle de 1914. Sur l'ambiance du temps, évocation, grâce à Marlène Dietrich qui chante « Die Fesche Lola ». Fesche, ça veut dire la lumeuse. Oui. C'est un extrait de « L'Ange Bleu », le célèbre film de 1930. On est au tout début du parlant. Le film de Joseph von Sternberg, d'après le roman de Heinrich Mann. Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola, zu Hause in mein Salon. Ich bin die Fische Lola, ich lieb ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola, zu Hause in mein Salon. Da will mich wer begleiten, da unten auf dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und frei dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Und allein am Klavier singen die Zeilen nicht mehr. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Pianola, zu Hause in mein Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da da lass dich keiner dran. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il est vraiment difficile, Johann Chapoutot, de prendre la mesure de ce formidable événement qui consiste à voir la monnaie véritablement fondre dans les mains. Un taux d'intérêt de 9% par jour, ce qui veut dire que l'argent qu'on a emprunté au début de l'année, en 1923, il faut le rembourser multiplié par 4000. Mmh. Et puis il y a des brouettes fameuses où on transporte l'argent qui ne vaut plus rien. Alors, bon, sur les brouettes, on a un peu exagéré dans l'imagerie parce que, de fait, quotidiennement, dans la vie concrète, les Allemands se passent, à partir de l'été 1923, se passent de monnaie parce qu'ils ont compris que la monnaie n'est plus fiable. La monnaie n'est plus l'équivalent universel qu'elle est censée être. On ne peut plus s'y fier. On revient à la question de la fidesse, de la confiance. Et donc, on sombre dans une économie de troc, ce qui, au quotidien, peut, concrètement, au ras du sol, peut être utile et efficace. Mais par contre, là où ça pose problème, c'est pour les grandes opérations financières, pour les grandes opérations industrielles, on n'a plus d'unité de compte fiable. Encore une fois, dans la vie quotidienne, on revient au troc, ou alors on revient à des paramonnaies, à des monnaies locales qui se multiplient. Alors ce sont des expériences d'ailleurs qui se renouvellent aujourd'hui dans le monde contemporain. Des monnaies locales qui sont créées par la Reichsbahn, par donc les chemins de fer, par l'entreprise locale, par un club de philatélistes, par bref, des associations qui de gens qui ont besoin d'unité de compte et qui la crée elle-même. Et donc là, le privilège seigneurial, régalien de battre monnaie est totalement contesté par la société qui se débrouille comme elle peut, puisque la monnaie nationale n'est plus une unité de référence. Cela aboutit en même temps à bouleverser la société et la hiérarchie des situations, puisque les débiteurs se trouvent formidablement allégés et les créanciers à peu près ruinés. Ceux qui ont acheté des biens fonciers sont protégés, alors que les autres sont traînés dans la pire des déchéances. Oui, c'est le fameux mot de John Maynard Keynes qui disait que l'inflation, c'était l'euthanasie des rentiers. C'est l'euthanasie des rentiers et c'est également l'euthanasie des créanciers. Puisque lorsque vous avez une créance, elle ne vaut plus rien du jour au lendemain, alors que quand vous êtes débiteur, eh bien, vous devez rembourser quelques centimes alors que vous avez emprunté des milliers de marques. Et c'est cette inversion-là. En fait, lorsqu'on lit les souvenirs des contemporains ou la littérature du temps, la période est décrite comme un gigantesque carnaval. Comme des Saturnales, hein. C'est Sébastien Hafner dans Les Souvenirs d'un Allemand, très beau livre, qui parle de Saturnales, c'est-à-dire d'une inversion totale de la société qui se retrouve cul par-dessus tête, avec des hiérarchies inversées, des petites frappes qui deviennent de grandes fortunes du jour au lendemain, des fortunes très établies sur des générations qui sont liquidées de la même manière que la monnaie devient liquide au sens le plus propre du terme, puisqu'elle n'existe plus, elle file entre les doigts, elle n'est plus une unité de valeur. Et justement, ce qui frappe les contemporains, c'est la dissolution de la valeur financière et fiduciaire, qui n'existe plus, et la dissolution de la valeur morale, la valeur sociale, qui elle aussi se dissipe. On en a un très bel exemple avec le film de Fritz Lang, le docteur Mabuse le joueur, le premier de la série en 1922. Alors, c'est un peu difficile pour un film muet d'en avoir des extraits à la radio. Hélas, mais, oui. Mais on voit comment un spéculateur, du jour au lendemain, devient une force sociale dominante. C'est le mal, hein, Mabuse, devient une force sociale dominante puisque lui a pris son parti de la dissolution des valeurs financières sur lesquelles il spécule et des valeurs morales qu'il ignore totalement dans son entreprise criminelle. C'est là qu'on voit que dans cette histoire de relation entre l'Allemagne et sa monnaie, qui est le sujet de notre émission ce matin, Johann Chapoutot, le poétique ne cesse pas de rejoindre le prosaïque. Oui, c'est une situation quasiment fantastique dans laquelle se retrouvent les Allemands. Ce n'est pas un hasard si d'ailleurs le cinéma allemand de cette époque, qu'on pense à Caligari par exemple ou à d'autres titres célèbres, c'est cette image d'une société qui a perdu ses valeurs que l'on voit dans le film Mabuse et que l'on voit également dans L'Ange Bleu. De fait, tous les repères qui structuraient la société allemande depuis quelques générations, la religion a tendance à se dissoudre, phénomène de déchristianisation bien connu, la monnaie n'existe plus, le Kaiser a disparu, l'Allemagne n'est plus une puissance. Bref, les Allemands se retrouvent sans repère et le cinéma allemand de cette époque reflète bien cette déshérence à la fois morale, intellectuelle, sociale et financière, très concrète. Alors comment est-ce que l'Allemagne de Weimar réussit, avant l'arrivée de Hitler, à rétablir un certain équilibre, même si on a bien compris que cette expérience reste formidablement traumatisante dans la sensibilité allemande, ce qui explique les comportements jusqu'aujourd'hui? Le rétablissement de la monnaie va être l'œuvre de Stresemann, Gustav Stresemann, que nous connaissons nous comme étant le ministre des Affaires étrangères, compagnon de Briand, prix Nobel de la paix, mais qui a été aussi chancelier entre l'été et l'automne 1923. Il a réussi un coup de maître avec le président de la Reichsbank. Il a suspendu la monnaie qui, de toute manière, n'existait plus concrètement. Et il a créé une monnaie qui s'appelle le Rentenmark, c'est-à-dire le mark gagé sur la rente foncière. On oublie l'étalon or, parce que de toute façon, les caisses de la Banque centrale sont vides. Et on gage la monnaie sur les propriétés foncières et industrielles de l'État. C'est-à-dire qu'on met une hypothèque de 3,2 milliards de Rentenmark sur les propriétés de l'État et on dit au peuple allemand, voilà, on a une monnaie qui est gagée sur du concret, vous pouvez échanger la monnaie contre des propriétés foncières si vous le voulez. C'est une fiction, comme souvent le gage des monnaies, hein, échanger la monnaie contre l'or, personne ne va échanger de la monnaie contre l'or parce qu'on a plus besoin de monnaie que d'or et là on a plus besoin de monnaie que de propriétés foncières à l'Est, par exemple. Ça rappelle un peu les assignats de la Révolution française. Exactement, qui étaient également engagés sur des propriétés foncières. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela rétablit la confiance. La monnaie est une affaire de confiance, c'est quelque chose de quasiment magique. On dit aux Allemands, nous avons réduit la masse monétaire, il n'y a plus des milliards de milliards de milliards en circulation, mais quelques milliards seulement. Et par ailleurs, c'est gagé sur quelque chose de concret, de solide, qui est la propriété foncière. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les Allemands se saisissent en 1923, comme ils vont le faire plus tard en 1948, de cette nouvelle monnaie qui est apparue un beau jour, le 15 novembre 1923. Seulement survient la crise de 1929 qui va bouleverser tout ça, et puis ensuite le nazisme qui va, vous le disiez tout à l'heure, organiser sous l'apparence de la rigueur, une rigueur nationale ou nationaliste, en réalité toutes sortes de manipulations. Quant à l'apparence, écoutez donc cet extrait des Actualités françaises qui est consacré aux 10 ans du national-socialisme en 1943. Imaginons que cela a été projeté avant les films sur tous les écrans de la France occupée. Il y a 10 ans, Adolf Hitler prenait le pouvoir. En ce soir historique, à travers Berlin, les colonnes des SS et des SA défilèrent devant le Führer. L'œuvre gigantesque, trop peu connue en France, entreprise par le Reich. Premier but, enrayer le chômage qui sévissait dans l'industrie et qui s'élevait en 1932 à plus de 5 millions de sans-travail. En 10 années, ce chiffre effrayant a pu être ramené à 335 000. En septembre 1933 furent entrepris les travaux de construction des autostrades. Un réseau de 27 000 km était projeté. Chaque année, 1 000 km étaient construits. On devine le nombre d'ouvrages d'art nécessaires afin de mener à bien un tel programme. Alors, on est dans un monde fantasmagorique, Johann Chapoutot. C'est un chef-d'œuvre de propagande que cette séquence que l'on vient d'entendre. C'est véritablement l'image que le nazisme veut donner de lui-même. Un système organisé, des colonnes qui marchent au pas, une organisation économique impeccable et des succès à la clé. Or, quand on se penche de un peu plus près sur l'organisation du nazisme, en termes administratifs, c'est un chaos sans nom. Et puis en termes financiers et monétaires, il faut bien rappeler que les nazis sont des voleurs, sont des tricheurs. Des voleurs parce qu'ils ont gagé toute leur économie sur la prédation et la spoliation. La spoliation des biens des personnes qui ont été leurs victimes et la prédation généralisée sur les territoires qu'ils ont conquis. Et par ailleurs, en termes monétaires, les nazis ont inventé beaucoup de manipulations. Comme ils étaient conscients que le peuple allemand avait peur de l'inflation, donc de l'augmentation de la masse monétaire, pour financer un réarmement gigantesque, on passe d'une armée de 100 000 hommes à une armée de 18 millions d'hommes en quelques années. Pour financer ce réarmement et cette politique militaire, les nazis ont inventé un système de filou, en fait. Ils ont créé une société, qui est une société de paille. Lorsque les industriels qui produisaient l'armement, l'acier pour le réarmement allemand devaient être payés, ces sociétés s'adressaient à cette société fictive qui émettait des bons, lesquels bons étaient ensuite compensables par la Reichsbank. Donc, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'augmentation de la masse monétaire, qu'il n'y avait pas de création de monnaie, mais de fait, c'était une création de monnaie, puisque contre des bouts de papier, la Reichsbank créait de la monnaie. Et là encore, la multiplication de la masse monétaire sous le nazisme, c'est un facteur 20. C'est-à-dire qu'entre 1933 et 1945, les nazis ont augmenté par 20 la masse monétaire. C'est une inflation absolument délirante en termes de création monétaire. La conséquence s'en fait sentir en 1945, parce qu'en 1945, vous vous retrouvez avec une masse monétaire 20 fois supérieure à ce qu'elle était 12 ans auparavant, d'une part, et d'autre part, ben, il n'y a plus rien à acheter. Donc, de fait, la monnaie ne vaut rien. On peut rappeler que le mot inflation a deux sens. Il veut dire à la fois, au sens propre, l'augmentation de la masse monétaire, plus ou moins artificielle, la planche à billets, et d'autre part, ce qui en résulte en général, schématiquement, c'est-à-dire la hausse des prix. Le nazisme a réussi à maintenir la hausse des prix en dépit de l'augmentation des moyens de paiement ? Alors, il y a, donc c'est une économie dirigée, hein, l'économie nazie, et c'est une économie également qui contrôle les prix. Donc, jusqu'au printemps 1945, les prix sont artificiellement contenus. Après l'effondrement du Troisième Reich, donc dans cette période de transition qui s'écoule de, en gros, du printemps 45 jusqu'à l'été 48, l'inflation a littéralement explosé pour les raisons que vous rappeliez, c'est-à-dire qu'il y a eu inflation au sens physique de la masse monétaire, d'une part, et d'autre part, il n'y avait plus rien à acheter. Forcément, cela débouche sur une pénurie, puisque on demande des biens à un prix qui est tout à fait inférieur à ce qu'ils ont coûté. Absolument, et ça va être une des grandes réussites de l'introduction du mark en 1948, c'est que, auparavant, avant 1948, on ne fait plus confiance à la monnaie. Donc on retient la production, on retient la vente, parce qu'on n'a plus confiance dans cette monnaie, de telle sorte que, comme en 1923, et de manière très concrète, le Reichsmark, qui avait été créé en 1924, ne fait plus office d'unité de compte et d'unité d'échange fiable. Et donc, la monnaie, ça devient le paquet de chewing-gum, la cigarette. La cigarette devient un élément de, une sorte de monnaie, oui. Très important, la cigarette. Elle est importée massivement par les troupes américaines et britanniques et elle fait office de monnaie. Et puis, par ailleurs, il y a les phénomènes de troc qu'on avait vu déjà 25 ans auparavant en Allemagne qui se multiplient tout simplement pour permettre concrètement, dans le quotidien, un semblant d'échange économique. Mais là encore, c'est au niveau macro que ça pose problème parce qu'il n'y a plus d'unité de compte. Alors pour retrouver cette ambiance, une deuxième archive des actualités françaises, vous allez voir que la tonalité est différente bien sûr puisqu'on est en 1948 et que l'Allemagne est en train de sortir de l'horrible situation où elle a été après la chute du nazisme, de l'Allemagne elle est zéro, 1, 2, 3. On est en 1948, il s'agit de la guerre des monnaies à Berlin, on va voir la naissance du Deutschmark. Dans l'ambiance que ces archives ressuscitent de façon assez efficace. À Berlin, première conséquence de l'échange des billets ordonné d'une part par les autorités anglo-franco-américaines et les autorités soviétiques d'autre part, les magasins ont fermé leurs portes et l'apparition presque simultanée de deux monnaies distinctes a provoqué d'importantes perturbations dans l'ex-capitale du Grand Reich. Les rares boutiques restées ouvertes étaient immédiatement envahies et les Berlinois, en se débarrassant de leurs anciens marques, sacrifiés selon leur tempérament à l'épargne ou à la gourmandise. Cependant, la tension s'aggravait et les autorités militaires alliées prenaient d'importantes mesures d'ordre. À Zoologischer Bahnhof, un véritable centre d'échange qui n'avait rien de clandestin, en dépit de son caractère illégal, s'instituait. De nouveaux cours de bourse se créaient. Le mark occidental représentait bientôt la valeur de 5 marks orientaux et la police était contrainte à de fréquentes et parfois brutales incursions. Dans le secteur français, 40 000 Berlinois approuvaient la politique occidentale et protestaient contre la gêne apportée par les récentes mesures. Aujourd'hui, la crise semble s'apaiser, cette crise qui, depuis 3 mois, refait de Berlin le centre névralgique de l'Europe. Alors, Johann Chapoutot, on peut faire une sorte de lecture monétaire de la coupure de l'Allemagne qui s'affirme à ce moment-là, et en particulier de la coupure de Berlin entre les secteurs occidentaux, France, Allemagne, États-Unis et le secteur soviétique. Oui, la période 1948-1949, c'est une période qui acte, notamment en Allemagne qui en est l'épicentre, qui acte la naissance de la guerre froide, avec la création de deux systèmes politiques différents, ennemis, opposés, et la création de deux monnaies. Il faut le rappeler, c'est la 5e fois que les Allemands changent de monnaie en un peu plus de 70 ans, ça fait beaucoup, et même peut-être la 6e fois si on compte le mark de l'Est, qui est une monnaie concurrente, qui n'a pas la même valeur, et qui donne lieu, à Berlin notamment, à d'intenses trafics. 5 fois moins de valeur, 6 fois moins. Oui, spéculation et trafic, Berlin étant le lieu de tous les vices, c'est une des raisons pour lesquelles le mur va apparaître plus d'une dizaine d'années plus tard, pour mettre fin à tout cela. Ce qui est intéressant dans cette archive, c'est qu'on sent le swing de cette période, cette espèce d'enthousiasme pour et qui est réel pour une monnaie enfin stable. La stabilité de cette monnaie va être d'ailleurs érigée en principe canonique par Ludwig Erhard. Pouvez-vous nous rappeler concrètement comment est née cette monnaie ? Est-ce que c'est une décision proprement allemande ou au contraire imposée par les occupants ? C'est une décision des occupants et des occupants uniquement. D'ailleurs, Ludwig Erhard, qui a été érigé ensuite en père de cette monnaie, n'a été prévenu que quelques jours auparavant, avant l'introduction de cette monnaie. La mutation monétaire a été une opération secrète menée par les Américains, de telle sorte que les premiers billets des Deutschmark, de cette nouvelle monnaie qu'on appelle le Deutschmark, sont des billets qui sont quasiment décalqués des billets américains. On a l'impression d'avoir des dollars dans les mains, si vous voulez, dans les poches. Les billets rappellent tout à fait le dessin américain, IN et EIN en l'occurrence, qui est de créer une monnaie stable pour un pays qu'on espère politiquement stable. Il faut voir que 1948, c'est la grande décision américaine également du plan Marshall, c'est-à-dire de créer en Europe de l'Ouest, pour éviter la révolution communiste, une zone de stabilité et de prospérité économique, et cela implique, à leurs yeux, aux yeux des Américains, qui ont tiré les leçons de l'histoire, la dévaluation, de l'inflation, etc., ce qui implique une stabilité monétaire. Et ça, c'est également le credo de Ludwig Erhard, qui est un économiste ordo-libéral. Et ça va marcher, non sans un grand secret, c'est-à-dire qu'on transporte les nouveaux billets dans des camions fermés. Il y a un phénomène d'immédiateté. Il faut que tout à coup, un peu comme pour l'euro plus tard, tout à coup, le nouveau marque apparaisse. Oui, c'est une opération et une apparition assez subite et qui fonctionne puisque très rapidement, les Allemands qui ne demandaient que ça, les Allemands de l'Ouest qui ne demandaient que ça, vont avoir confiance dans cette nouvelle monnaie, ce qui va permettre aux vitrines de se remplir, aux denrées de refaire leur apparition. Et voici une chanson sur le miracle économique, Wirtschaftswunder, une chanson de 1956 de Wolfgang Neuss qui rend bien compte de l'atmosphère et de la découverte de la prospérité par le peuple allemand, un peu à sa propre surprise. Die Straßen haben Einsamkeitsgefühle und Bretter liefert nicht mehr die Fabrik. Nur ab und zu mal klappert eine Mühle. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Aus Pappe und aus Holz sind die Gardinen. Den Zaun bedeckt ein Zettelmosaik. Wer rauchen will, der muss sich selbst bedienen. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Einst waren wir mal frei, nun sind wir besetzt, das Land ist entzwei. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und isst schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Reisbein wieder in Aspik. Qu'est-ce que nous dit cette chanson, Johann Chapoutot, dans ce contraste entre le plus funèbre et le plus joyeux? Oh, ben les strophes du départ parlent de la pénurie et de la vétusté. Pénurie et vétusté des objets dans cette Allemagne en ruine, alors que le refrain nous entraîne dans les magasins, aux vitrines et aux rayons pleins, dans cette économie de prospérité où on n'a plus faim. C'est très important dans cette Allemagne qui a connu à plusieurs reprises dans son histoire la famine. Là, désormais, c'est terminé grâce au Deutschmark et grâce à Ludwig Erhard. Il y a vraiment un avant et un après 1948 dans l'histoire monétaire de l'Allemagne. Et c'est ce qu'il faut, je crois, souligner à nouveau, c'est que cette longue expérience de désordre de toutes sortes, de défiance généralisée, explique aussi pourquoi aujourd'hui l'Allemagne nous donne le sentiment, à nous autres Français, de ne pas avoir la même attitude en face de la monnaie, de la sacraliser, comme je le disais tout à l'heure. Il faut voir qu'en France, jusqu'à la création de l'euro, puisque désormais la politique monétaire est impossible au niveau national, en France, la manipulation du franc, d'évaluation notamment, a été toujours considérée comme un instrument légitime de politique économique. Après tout, c'est le privilège de l'État qui doit avoir les instruments à sa disposition de sa politique. Y compris les dévaluations. Absolument. Ce qui était le cas en Allemagne avant 1948. Après 1948, cela change et à cet égard, la véritable rupture, à mes yeux, c'est plutôt 1957. Pourquoi ? Parce qu'en 1957, le ministre de l'économie, Ludwig Erhard... Toujours lui ? soutient deux propositions de loi qui sont adoptées par le Bundestag. La première, c'est une loi sur la concurrence qui évite la cartellisation de l'économie. Donc c'est le côté libéral de l'ordolibéralisme. Et de l'autre côté, vous avez la création de la Bundesbank, la BUBA, comme l'appellent les Allemands, qui est une institution tout à fait particulière, qui n'a rien à voir avec la Banque de France en France. La Banque de France, censément indépendante, en tout cas en partie privée, reste sous la coupe du gouvernement. Cela est très clair dans le long terme de l'histoire de France. Alors qu'en Allemagne, la Bundesbank a un statut constitutionnel semblable à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui, elle, a été créée en 1951. Voilà intangible, respectée, indépendante. Indépendante, totalement indépendante du pouvoir politique. Radicalement. 1951, Karlsruhe, 1957, Francfort, donc pour la Bundesbank. Ce sont deux institutions qui veillent sur, d'un côté, la sécurité juridique, l'indépendance de la règle de droit par rapport au pouvoir politique, ça c'est évidemment un héritage du Troisième Reich. Il s'agit d'éviter que le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, puisse manipuler la norme juridique qui est totalement indépendante, elle est mise sur orbite constitutionnelle. Et de la même manière, la monnaie est mise sur orbite constitutionnelle avec le statut d'indépendance totale de la Bundesbank qui veille jalousement à ce que la monnaie ne soit jamais manipulée par le pouvoir ni exécutif, ni législatif. Adenauer s'y est cassé les dents dans les années 50, puis ensuite Willy Brandt, Helmut Schmidt. Il y a des colères terribles et des moments de grande tension entre le pouvoir exécutif, le chancelier et la Bundesbank, parce que le chancelier ne peut pas faire ce qu'il veut avec la monnaie. Mais chaque fois, c'est le chancelier qui perd. Oui, parce qu'il n'a pas les instruments juridiques et constitutionnels pour faire quoi que ce soit, puisque c'est la Bundesbank qui est totalement indépendante, comme Karlsruhe, comme les juges constitutionnels. Vraiment, il y a cette spécificité allemande d'une protection de la monnaie qui est mise hors de portée du pouvoir politique. Habermas, le fameux philosophe qui a théorisé ces nouvelles institutions de l'Allemagne fédérale, de la République fédérale d'Allemagne, a beaucoup insisté sur ce point. On a fait l'analyse et il a posé comme principe. Habermas s'est fait l'observateur et le théoricien d'une nation post-politique, au fond. Post-politique au sens où le pouvoir politique, exécutif essentiellement, mais aussi peut-être législatif, n'a pas le pouvoir d'influer sur les normes de droit, donc la sécurité juridique, ni sur la valeur de la monnaie, sécurité monétaire. Et les deux vont de pair dans cet univers intellectuel très spécifique qui est celui de l'ordolibéralisme, doctrine assez peu connue en France, mais ultra dominante en Allemagne et qui explique beaucoup de choses. Au cœur des années 30, des économistes, souvent de culture catholique d'ailleurs, d'où le terme d'ordo, d'ordre, hérité de la théologie médiévale. Cette espèce d'ordre cosmique dont la perfection devait se refléter sur Terre par les institutions politiques et économiques. C'est ces économistes de l'école de Fribourg, Walter Eucken par exemple, mais d'autres, et Erhard a été leur élève. Ces économistes estimaient que l'État devait assurer par sa puissance nomothétique, par sa création de normes, une concurrence pure et parfaite, d'une part, pour permettre le libre développement de l'économie, et en même temps une stabilité juridique et économique totale pour permettre aux forces vives de l'économie d'évoluer dans un monde certain, et non plus dans ce monde incertain de l'inflation, de l'hyperinflation, de la dévaluation et de la concurrence non régulée. Et tout cela reste un dogme intangible en Allemagne, dont un des grands gardiens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, qui représente donc la Bundesbank à la BCE. Et par là, l'Allemagne annonce 40 ans à l'avance ce que va être la BCE, la Banque européenne, qui est le reflet, comme l'avait souhaité d'ailleurs l'Allemagne au moment de l'instauration de l'euro, qui est conçue sur la même conception que la BUBA, que la Banque allemande de 1957, alors que la France a eu entre-temps 40 ans de traditions différentes. Alors c'était une exigence fondamentale du chancelier Kohl dans les discussions avec le président François Mitterrand. Oui à une monnaie unique, si et seulement si cette monnaie unique ressemble comme deux gouttes d'eau au Deutsche Mark. Les Allemands étaient prêts à abandonner le Mark dans une grande négociation qui impliquait également l'approbation française à la réunification si l'euro ou si la nouvelle monnaie européenne avait les mêmes garanties juridiques, politiques que le Deutsche Mark. D'où le fait que la BCE est totalement indépendante des gouvernements, comme a pu l'être la Bundesbank. Mais il y a, dès l'origine de la BCE, un débat qui est le suivant. Est-ce que la préoccupation de lutte contre l'inflation doit être la seule injonction faite à cette institution, comme c'est le cas pour la BUBA, pour la banque allemande, ou est-ce qu'elle doit avoir aussi le souci de porter le développement économique. Alors, tout à l'heure, on parlait de magie dans la confiance que l'on accorde à la monnaie ou pas. Il faut voir la part d'irrationalité foncière que recèle la politique financière et le rapport à la monnaie, et notamment du côté des Allemands. On nous présente, de manière ordolibérale, les principes de la politique allemande comme étant rationnels, fondés sur l'histoire. Bon, ce qui est d'ailleurs contradictoire, d'ailleurs, parce que Jens Weidmann ne cesse de dire « Nous avons tiré leçon de l'histoire et voici le dogme désormais qui... » est soustrait à l'histoire. Il est totalement anhistorique. Maintenant, il n'a plus besoin d'être mis à l'épreuve des faits. C'est une vérité religieuse. La fin de l'histoire, là, encore. Voilà, ce qui est totalement contradictoire, mais bon. Et on se rend compte que l'obsession traumatique de l'inflation et l'hyperinflation reste maîtresse et reste fondamentale dans la politique de Jens Weidmann à la tête de la Bundesbank et au sein de la BCE, et dans la politique budgétaire, financière de Mme Merkel et de M. Schäuble. À tel point que aujourd'hui, on a introduit en Allemagne ce qu'on appelle la Schuldenbremse, c'est-à-dire le frein à la dette. Toujours Schuld, avec cette connotation morale en même temps que technique et pratique. Absolument, la faute. Cette Schuldenbremse, que l'on a appelée en France la règle d'or, alors je ne sais pas ce qu'elle a d'or, cette règle, qui vise à constitutionnaliser l'interdiction de faire du déficit. C'est-à-dire qu'au fond, on achève l'ère post-politique en se privant des moyens de faire une politique monétaire. C'est plus possible, c'est la BCE qui est indépendante des gouvernements. Et les gouvernements eux-mêmes sont invités, à l'exemple de l'Allemagne, puisque cela, c'est une disposition qui est mise en œuvre désormais à partir de 2016. On ne peut plus non plus mener de politique budgétaire, puisqu'on ne peut plus créer de déficit. Avec une conception très classique du budget comme étant le budget d'un foyer, alors qu'on sait depuis Keynes que le budget d'un foyer, d'un ménage, ce n'est pas le budget d'un État. Et que faire de la dette pour un État, ça peut avoir une vocation dynamique très intéressante. Tout cela explique pourquoi l'Allemagne a été, plus peut-être que d'autres pays, après le traité de Maastricht, a été hésitante devant l'introduction de l'euro, le sentiment de perdre ce qui était devenu une sorte d'icône, c'est-à-dire le mark. On a beaucoup de témoignages du début des années 2000 sur cette difficulté psychologique du peuple allemand à ce passage, plus marqué qu'ailleurs. Écoutez donc ce reportage sur l'arrivée prochaine de l'euro en Allemagne au journal télévisé de France 2, 20h, le 16 février 2001. C'est un reportage de Patrice Remeden. Je sens que je ne vais pas m'adapter rapidement à l'euro. Je préfère le Deutschmark, par tradition. Par tradition, dit-elle. Elle aurait pu dire par attachement, voire par amour. Pour comprendre, il suffit de l'accompagner à l'un de ses séminaires proposés au troisième âge pour le familiariser avec l'euro. Soudain, au cœur de la discussion, le grand déballage. Vous comprenez, moi, je suis une enfant de la guerre. J'ai vécu la réforme de la monnaie. À l'époque, quand j'ai reçu mes premiers Deutschmark, une nouvelle vie commençait. J'avais l'impression que je pouvais m'acheter le monde. Il est là, le traumatisme allemand. L'avènement du mark, fruit de la réforme monétaire de 1948, a symbolisé la fin d'une époque funeste, celle de la guerre et du Reichsmark qui a fini broyé, comme le pays. Le mark est à jamais indissociable de la reconstruction d'après-guerre, du miracle économique, du confort retrouvé. On pouvait s'acheter le monde. Voilà pourquoi l'euro est ici accueilli avec réticence, mais Edith et les Allemands n'ont pas le choix, sauf à éluder ce petit plaisir qui consiste à procéder à un ultime retrait en mark, leur monnaie chérie. On pouvait s'acheter le monde, belle illusion. Oui, du moins on pouvait le faire pacifiquement après les projets terribles et meurtriers du Troisième Reich. Le mark, de fait, est associé à cette reconstruction, associé à la prospérité et associé au fond à une période, en gros, de la fin des années 40 jusqu'au début des années 70, où l'Allemagne est devenue une référence incontestée et incontestable. Référence monétaire et financière, référence industrielle avec le miracle économique, référence politique et morale aussi avec cette démocratie parlementaire qu'est la RFA. Plus qu'une icône, c'est véritablement le Deutsche Mark et véritablement l'Allemagne elle-même. Du point de vue de la chronologie, c'est intéressant de constater que la création du Deutsche Mark, c'est juin 1948, c'est-à-dire quasiment un an, 11 mois avant la création de la RFA elle-même. C'est-à-dire que le Mark, le Deutsche Mark, a précédé la création de l'État allemand qui intervient en mai 1949. C'est dire à quel point l'identification est fusionnelle avec le Deutsche Mark et à quel point il a été difficile, notamment pour la génération des quinquagénaires, sexagénaires qui est interviewée dans cette séquence, il a été difficile pour eux de se défaire de cette livre de chair et de cette partie de leur identité. D'où la prégnance, la permanence des billets, des marques pendant plus longtemps qu'ailleurs. On les trouve dans toutes les lessiveuses, je ne sais pas comment on dit ça en allemand, ou derrière tous les édredons, dans toutes les armoires, en grande quantité. Alors là, on rejoint une fois de plus le caractère magique, totalement irrationnel du rapport à la monnaie. C'est du fétichisme pur, puisque légalement et rationnellement, les Allemands savaient que l'on passait à une autre monnaie, mais jusqu'au dernier moment, ils ont voulu garder effectivement en plus grande quantité, puisque on estimait qu'il y avait 8 milliards d'euros en Deutschmark qui, jusqu'au dernier moment, ont été conservés, alors que en France, très peu de gens conservaient des francs. On s'est défait beaucoup plus facilement du franc en France que du marque en Allemagne. C'est totalement irrationnel, mais la monnaie, il ne faut pas l'oublier, est une donnée ou une réalité culturelle, émotionnelle, fantasmatique, avant d'être avant tout quelque chose de technique ou de financier, purement financier. Alors un peu avant, quelques années auparavant, il y a eu un moment essentiel, c'est le temps où la République fédérale d'Allemagne a choisi, au moment de la réunification, d'accepter qu'un marque de l'Ouest vaille un marque de l'Est, ce qui posait des questions philosophiques, politiques et très pratiques, quasiment innombrables. Alors la décision du taux de conversion Eins zu Eins, comme on dit en allemand, c'est-à-dire un marque de l'Est pour un marque de l'Ouest, est une décision éminemment politique qui ne correspond à aucune réalité économique. Il était très évident que la production, la valeur produite en RDA n'est pas au niveau de celle de la RFA. C'est une décision politique qui vise à dire aux Allemands de l'Est, vous êtes nos égaux. Et cela passe par la convertibilité à parité de la monnaie. Ça a suscité des conséquences terribles en Allemagne de l'Est, puisque de fait, la reconversion économique de l'Est a été rendue beaucoup plus difficile par cette parité. Alors que dans un premier temps, les Allemands de l'Est se sont réjouis d'avoir le sentiment qu'ils avaient entre les mains le pouvoir d'achat qui était celui des détenteurs des marques de l'Ouest. Oui, d'autant plus que, de manière là encore très significative, les Allemands de l'Est qui venaient visiter pour la première fois l'Ouest recevaient un cadeau de l'ordre de 300 Deutschmark, il me semble, pour pouvoir vivre un peu la vie de la société de consommation. Et donc là encore, avant même l'obtention d'un passeport de l'Allemagne fédérale, le passeport, c'était le billet de 100 marques. L'actuelle chancelière, Madame Merkel, l'actuel président, Monsieur Gauck, ont donc, à l'époque, profité de cette générosité. Comme tous les Allemands de l'Est, quelqu'un qui était beaucoup plus important à l'époque que ces deux citoyens de la RDA, qui étaient Madame Merkel et Monsieur Gauck, c'était Monsieur Schäuble, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur et qui, à ce titre, était responsable des opérations monétaires et de la bonne marche des opérations monétaires. Donc on a, là encore, ce jeu entre passé et présent avec une mémoire institutionnelle, personnelle qui est là, puisque les acteurs de cette révolution monétaire, une de plus en 1990, une de plus qu'ont vécu les Allemands, ces acteurs sont aujourd'hui au pouvoir avec Monsieur Schäuble qui est le grand argentier, alors qu'il avait été responsable de l'opération de conversion en 90, et puis comme vous l'avez justement rappelé, la chancelière et le président qui ont vécu cette transition monétaire de l'autre côté du mur. C'est aussi ce qui explique probablement les réactions de réticence, d'inquiétude, parfois de blâme très fort à l'égard de l'actuel président de la BCE, M. Draghi, lorsque, prolongeant ce qu'avait esquissé son prédécesseur M. Trichet, Jean-Claude Trichet, le français, a commencé d'accepter l'idée qu'il pouvait aussi faire marcher la planche à billets. L'italien est très inquiétant, c'est ce qu'on a éprouvé en Allemagne, et la presse en est fait le reflet. Là, on rejoint les pires stéréotypes qui peuvent être nourris en Allemagne au nord de l'Europe vis-à-vis des gens du Sud, qui sont forcément des cigales par rapport aux fourmis vertueuses de l'ordolibéralisme. Monsieur Draghi, comme Monsieur Trichet auparavant, ont décidé tout simplement de faire leur métier de président de banque centrale. C'est-à-dire que face à un risque de déflation, qui n'est plus qu'un risque d'ailleurs, ils ont décidé de produire de la masse monétaire pour éviter la récession déflationniste. Ils ont fait leur métier. Et ça a été très mal perçu en Allemagne pour une raison simple, c'est que en Allemagne, on considère que le rôle d'une institution monétaire est d'empêcher toute inflation, alors qu'on était dans une situation de quasi-déflation. C'est ça qui est fou. Et les réactions des médias ont été terribles lorsque M. Draghi a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait desserrer les taux monétaires, qu'il allait produire de la masse monétaire, qu'il allait même monétiser de la dette souveraine, ce qui est un crime, une Schuld, là, pour le coup. Les médias allemands une fois de plus, ont développé un discours victimaire et obsidional. Un crime vu d'Allemagne, naturellement. Un crime vu d'Allemagne, bien sûr. Un discours à la fois victimaire et obsidional, qui consistait à dire, nous les Allemands qui sommes vertueux, qui avons beaucoup travaillé, qui avons reconstruit notre pays, eh bien, nous sommes trahis dans la confiance que nous avions mis dans cette monnaie commune, et obsidional, puisque les médias allemands ont dit, nous sommes seuls à promouvoir la vertu, alors que nous sommes cernés de ces Français vicieux à l'ouest, et de ces Méditerranéens irrécupérables au sud. Italiens, Grecs, etc. Et l'Allemagne a tout à fait oublié les effets ravageurs de la déflation du début des années 1930, qui a contribué à la démoralisation du pays et, d'une certaine façon, plus que la grande inflation des années 20, a contribué à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Ce qui a été également oblitéré en Allemagne, c'est que qu'on ne retient qu'une longue séquence de vertus à partir des années 50, vertus budgétaires, monétaires, stabilité, croissance économique. Mais on oublie que les Allemands ont bénéficié également de la solidarité de l'entièreté du continent européen. Le miracle économique allemand, qui n'a rien de miraculeux au fond, il s'explique de manière très rationnelle. Mais cette période de haute croissance a été également rendue possible par le fait que tous les pays européens se sont accordés en 1952, ce sont les accords de Londres, pour effacer toutes les dettes de l'État allemand, qui était successeur et donc héritier des dettes de l'Empire, de la République de Weimar et du nazisme. Habile générosité, en somme. Habile générosité, et générosité tout de même que les Allemands ont peut-être un peu oublié aujourd'hui. En tout cas, c'est ressorti de manière très nette dans le face-à-face qu'il y a eu entre Mme Merkel et M. Tsipras dans l'affaire germano-grecque. Merci, Johann Chapoutot. Merci de nous avoir aidé à éclairer cette dialectique du passé et du présent dans le domaine de la monnaie, où on retrouve, je l'avais annoncé d'entrée de jeu, je crois qu'on a pu le vérifier le long de notre conversation, on retrouve l'évidence que tout cela n'est pas simplement technique, mais touche de très près à la culture et à la politique au sens le plus large et le plus noble du terme. Vous avez publié, et c'est un des motifs pour lesquels j'ai eu envie de vous inviter ce matin, vous avez publié dans le débat de novembre 2015, la revue de Pierre Nora et Marcel Gauchet, vous avez publié un article qui s'appelle « Entente et mésentente franco-allemande », qui dépasse naturellement notre préoccupation d'aujourd'hui, mais qui néanmoins permet de l'éclairer de façon tout à fait efficace. Vous avez donné « Que sais-je » aux presses universitaires de France en 2014, qui s'appelle « Histoire de l'Allemagne de 1806 à nos jours ». J'ai également fait fond sur l'article de Harold James qui s'appelle Le Marc dans le volume d'Étienne François et Hagen Schulze, télédirecteurs qui ont fait l'équivalent des lieux de mémoire pour l'Allemagne. Mémoires allemandes, paru chez Gallimard en 2001. Je viens de recevoir un livre très éclairant, qui est une biographie de Jacques Rueff, due à Gérard Minard, avec une préface de Wolfgang Schäuble, qui, durant un quart de siècle, a pris l'importance que nous savons dans l'histoire monétaire et politique de l'Allemagne. Jacques Rueff, un libéral français, il restitue la personnalité qui a beaucoup compté en France, du côté du libéralisme, qui a beaucoup influencé en particulier la politique dans ce champ du général de Gaulle. Jacques Rueff, un libéral français, aux éditions Odile Jacob. Et puis je voudrais signaler, puisqu'on évoque l'indignité nationale, celle de 1945, comme substitut possible à la déchéance des Français binationaux évoquée, comme nous savons actuellement, je voudrais signaler que sur ce thème, j'avais reçu Anne Simonin, qui a fait un livre important à ce propos. Je l'avais reçu le 28 février 2015 et naturellement, cette émission est accessible aisément sur notre site. Samedi prochain, nous parlerons, encore une actualité évidente, semble-t-il, des sunnites et des chiites. Toute l'actualité est pleine de leurs affrontements. Je crois qu'il n'est pas inutile de revenir sur l'originalité de cette division sunnite et chiite. Pourquoi tant de haine, au pluriel, avec un point d'interrogation. Et je recevrai pour en parler Gabriel Martinez-Gros. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur. Une émission réalisée, comme chaque samedi, par Patrick Molinier, avec Thibaut Germèse à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Nathalie Durand. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.